Chapitre 2e. Vers 1650 résidait sur ces terres, entre Compiègne et Pierrefonds, un riche gentilhomme nommé Bernard de Montragut, dont les ancêtres avaient occupé les plus grandes charges du royaume. Mais il vivait éloigné de la cour, dans cette tranquille obscurité qui voilait alors tout ce qui ne recevait pas le regard du roi. Son château des Guillettes abondait en meubles précieux, en vaisselle d'or et d'argent, en tapisserie, en broderie, qu'il tenait renfermé dans des garde-meubles, non qu'il cachât ses trésors de crainte de les endommager par l'usage, il était au contraire libéral et magnifique. Mais en ces temps-là, les seigneurs menaient couramment, en province, une existence très simple, faisant manger leurs gens à leur table et dansant le dimanche avec les filles du village. Cependant, ils donnaient, à certaines occasions, des fêtes superbes qui tranchaient sur la médiocrité de l'existence ordinaire. Aussi fallait-il qu'ils tinssent beaucoup de beaux meubles et de belles tentures en réserve. C'est ce que faisait M. de Montragut. Son château, bâti au temps gothique, en avait la rudesse. Il se montrait du dehors assez farouche et morose, avec les tronçons de ses grosses tours abattues lors des troubles du royaume, au temps du feu roi Louis. Au-dedans, il offrait un aspect plus agréable. Les chambres étaient décorées à l'italienne, et la grande galerie du rez-de-chaussée, toute chargée d'ornements en bosse, de peinture et de dorure. À l'une des extrémités de cette galerie se trouvait un cabinet, que l'on appelait ordinairement le petit cabinet. C'est le seul nom dont Charles Perrault le désigne. Il n'est pas inutile de savoir qu'on le nommait aussi le cabinet des princesses infortunées, parce qu'un peintre de Florence avait représenté sur les murs les tragiques histoires de Dircé, fille du soleil, attachée par les fils d'Antiope aux cornes d'un taureau. De Niobé, pleurant sur le mont Sipyle, ses enfants percés de flèches divines. De Procris, s'appelant sur son sein le javelot de Céphalée. Ses figures paraissaient vivantes, et les dalles de Porphyre, dont la chambre était pavée, semblaient teintes du sang de ces malheureuses femmes. Une des portes de ce cabinet donnait sur la douve qui n'avait point d'eau. Les écuries formaient un bâtiment somptueux, situé à quelque distance du château. Elle contenait des litières pour 60 chevaux et des remises pour 12 carrosses dorées. Mais ce qui faisait des Guillettes un séjour enchanteur, c'était les canaux et les bois qui s'étendaient alentour et où l'on pouvait se livrer au plaisir de la pêche et de la chasse. Beaucoup d'habitants de la contrée ne connaissaient M. de Montragut que sous le nom de la Barbe Bleue, car c'était le seul que le peuple lui donna. En effet, sa barbe était bleue, mais elle n'était bleue que parce qu'elle était noire. Et c'était à force d'être noire qu'elle était bleue. Il ne faut pas se représenter M. de Montragut sous l'aspect monstrueux du triple typhon qu'on voit à Athènes, riant dans sa triple barbe indigo. Nous nous approcherons bien davantage de la réalité en comparant le seigneur des Guillettes à ses comédiens ou à ses prêtres dont les joues fraîchement rasées ont des reflets d'azur. M. de Montragut ne portait pas sa barbe en pointe comme son grand-père à la cour du roi Henri II. Il ne la portait pas en éventail comme son bisaïeul, qui fut tué à la bataille de Marignan. Ainsi que M. de Turenne, il n'avait qu'un peu de moustache et la mouche. Ses joues paraissaient bleues, mais quoi qu'on en ait dit, ce bon seigneur n'en était point défiguré et ne faisait point peur pour cela. Il n'en semblait que plus mal, et s'il en prenait un air un peu farouche, ce n'était pas pour le faire haïr des femmes. Bernard de Montragut était un très bel homme, grand, large d'épaule, de forte corpulence et de bonne mine, quoique rustique, et sentant plus les forêts que les ruelles et les salons. Pourtant, il est vrai qu'il ne plaisait pas aux dames autant qu'il aurait dû leur plaire. Fait de la sorte et riche, sa timidité en était la cause, sa timidité et non pas sa barbe. Les dames exerçaient sur lui un invincible attrait, et lui faisaient une peur insurmontable. Il les craignait autant qu'il les aimait. Voilà l'origine et la cause initiale de toutes ces disgrâces. En voyant une dame pour la première fois, il aurait mieux aimé mourir que de lui adresser la parole, et quelque goût qu'il en conçut, il restait devant elle dans un sombre silence. Ses sentiments ne se faisaient jour que par ses yeux qu'il roulait d'une manière effroyable. Cette timidité l'exposait à toutes sortes de disgrâces, et surtout, elle l'empêchait de se lier d'un commerce honnête avec des femmes modestes et réservées, et le livrait sans défense aux entreprises des plus hardies et des plus audacieuses. Ce fut le malheur de sa vie. Orphelin dès son jeune âge, après avoir rebuté par cette sorte de honte et d'effroi qu'il ne savait vaincre, les partis avantageux et très honorables qui se présentaient. Il épousa une demoiselle Colette Passage, nouvellement établie dans le pays, après avoir gagné quelque argent à faire danser un ours dans les villes et les villages du royaume. Il l'aimait de tout son pouvoir et de toutes ses forces, et pour être juste, elle avait de quoi plaire, telle qu'elle était, robuste, la poitrine abondante, le teint encore assez frais, bien que hâlé par le grand air. Sa surprise et sa joie furent grandes, d'abord d'être une dame de qualité. Son cœur, qui n'était pas mauvais, se laissait toucher par les bontés d'un mari d'une si haute condition et d'une si forte corpulence qui se montrait pour elle le plus obéissant des serviteurs et le plus épris des amants. Mais au bout de quelques mois, elle s'ennuya de ne plus courir le monde. Au milieu des richesses, comblée de soins et d'amour, elle ne goûtait pas d'autre plaisir que d'aller trouver le compagnon de sa vie foraine dans la cave où il languissait, une chaîne au cou et un anneau dans le nez, et de l'embrasser sur les yeux en pleurant. Monsieur de Montragut, la voyant soucieuse, en devenait soucieux lui-même, et sa tristesse ne faisait qu'accroître celle de sa compagne. Les politesses et les prévenances dont il la comblait tournaient le cœur de la pauvre femme. Un matin, à son réveil, Monsieur de Montragut ne retrouva plus Colette à son côté. Il la chercha vainement par tout le château. La porte du cabinet des princesses infortunées était ouverte. C'est par là qu'elle avait passé pour gagner les champs avec son ours. La douleur de la barbe bleue faisait peine à voir. Malgré les courriers innombrables envoyés à sa recherche, on n'eut jamais nouvelle de Colette Passage. Monsieur de Montragut la pleurait encore quand il lui advint de danser à la fête des Guillettes avec Jeanne de la Cloche, fille du lieutenant criminel de Compiègne, qui lui inspira de l'amour. Il la demanda en mariage et l'obtint incontinent. Elle aimait le vin et en buvait avec excès. Ce goût augmenta tellement qu'en peu de mois, elle eut l'air d'une trogne dans une outre. Le pire est que cette outre, devenue enragée, roulait perpétuellement par les salles et les escaliers avec des cris, des jurements, des hoquets et vomissant l'injure et le vin sur tout ce qu'elle rencontrait. Monsieur de Montragut en tombait étourdi de dégoût et d'horreur, mais tout aussitôt il rappelait son courage et s'efforçait, avec autant de fermeté que de patience, de guérir son épouse d'un vice si répugnant. Prière, remontrance, supplication, menace, il employa tous les moyens. Rien n'y fit. Il lui refusait le vin de sa cave, elle s'en procurait du dehors, qui l'enivrait encore plus abominablement. Pour lui ôter le goût d'une boisson trop aimée, il lui mit de l'herbe au chat dans ses bouteilles. Elle crut qu'il voulait l'empoisonner, bondit sur lui et lui planta 3 pouces d'un couteau de cuisine dans le ventre. Il en pensa mourir, mais ne se départit point de sa douceur coutumière. « Elle est, disait-il, plus à plaindre qu'à blâmer. » Un jour qu'on avait oublié de fermer la porte du cabinet des princesses infortunées, Jeanne de la Cloche y entra tout égarée, à son habitude, et voyant les figures peintes sur la muraille, dans l'attitude de la douleur et près de rendre l'âme, elle les prit pour des femmes véritables et s'enfuit épouvantée dans la campagne en criant au meurtre. Entendant la Barbe Bleue, qui l'appelait et courait à sa poursuite, elle se jeta, folle de terreur, dans la pièce d'eau et s'y noya. Chose difficile à croire et pourtant certaine, son époux fut affligé de cette mort tant il avait l'âme pitoyable. 6 semaines après l'accident, il épousa sans cérémonie Gigogne, la fille de son fermier Traîniel. Elle n'allait qu'en sabots et sentait l'oignon. À ses belles filles, à cela près, qu'elle louchait d'un œil et clochait d'un pied. Sitôt qu'elle fut épousée, cette gardeuse d'oie, mordue par une folle ambition, ne rêva plus que grandeur nouvelle et nouvelle splendeur. Elle ne trouvait point ses robes de brocart assez riches, ses colliers de perles assez beaux, ses rubis assez gros, ses carrosses assez dorés, ses étangs, ses bois, ses terres assez vastes. La Barbe Bleue, qui ne s'était jamais sentie d'ambition, gémissait de l'humeur altière de son épouse. Ne sachant, dans sa candeur, si le tort était de penser glorieusement comme elle, ou modestement comme lui, il s'accusait presque d'une médiocrité d'humeur qui contrariait les nobles désirs de sa compagne, et plein d'incertitude, tantôt il l'exhortait à goûter avec modération les biens de ce monde, tantôt il s'excitait à poursuivre la fortune au bord des précipices. Il était sage, mais chez lui l'amour conjugal l'emportait sur la sagesse. Gigogne ne pensait plus qu'à paraître dans le monde, à se faire recevoir à la cour et à devenir la maîtresse du roi. N'y pouvant parvenir, elle sécha de dépit et en prit une jaunisse dont elle mourut. La Barbe Bleue, tout gémissant, lui éleva un tombeau magnifique. Ce bon seigneur, abattu par une si constante adversité domestique, n'aurait peut-être plus choisi d'épouse. Mais il fut lui-même choisi pour époux par demoiselle Blanche de Gibomex, fille d'un officier de cavalerie qui n'avait qu'une oreille. Il disait avoir perdu l'autre au service du roi. Elle avait beaucoup d'esprit, dont elle se servit à tromper son mari. Elle le trompa avec tous les gentilshommes des environs. Elle y mettait tant d'adresse qu'elle le trompait dans son château et jusque sous ses yeux sans qu'il s'en aperçût. La pauvre Barbe Bleue se doutait bien de quelque chose, mais il ne savait pas de quoi. Malheureusement pour elle, mettant toute son étude à tromper son mari, elle n'était pas assez attentive à tromper ses amants, je veux dire à leur cacher qu'elle les trompait les uns avec les autres. Un jour, elle fut surprise, dans le cabinet des princesses infortunées, en compagnie d'un gentilhomme qu'elle aimait, par un gentilhomme qu'elle avait aimé et qui, dans un transport de jalousie, la perça de son épée. Quelques heures plus tard, la malheureuse dame y fut trouvée morte par un serviteur du château, et l'effroi qu'inspirait cette chambre s'en accrut. La pauvre Barbe Bleue, apprenant d'un coup son abandon déshonneur et la fin tragique de sa femme, ne se consola pas de ce second malheur en considération du premier. Il aimait Blanche de Gibomex d'une ardeur singulière, et plus chèrement qu'il n'avait aimé Jeanne de la Cloche, Gigogne, Trainiel et même Colette Passage. À la nouvelle qu'elle l'avait trompé avec Constance et qu'elle ne le tromperait plus jamais, il ressentit une douleur et un trouble qui, loin de s'apaiser, redoublaient chaque jour de violence. Ses souffrances étant devenues intolérables, il en contracta une maladie qui fit craindre pour ses jours. Les médecins, ayant employé divers médicaments sans effet, l'avertirent que le seul remède convenable à son mal était de prendre une jeune épouse. Alors il songea à sa petite cousine Angèle de la Garandine, qu'il pensait qu'on lui accorderait volontiers parce qu'elle n'avait pas de bien. Ce qui l'encourageait à la prendre pour femme, c'est qu'elle passait pour simple et sans connaissance. Ayant été trompée par une femme d'esprit, une sotte le rassurait. Il épousa Mademoiselle de la Garandine et s'aperçut de la fausseté de ses prévisions. Angèle était douce, Angèle était bonne, Angèle l'aimait. Elle n'était pas d'elle-même portée au mal, mais les moins habiles l'y induisaient facilement à toute heure. Il suffisait de lui dire « Faites ceci de peur des oripeaux. Entrez ici de crainte que le loup-garou ne vous mange. Ou bien encore, fermez les yeux et prenez ce petit remède. » Et aussitôt, l'innocente faisait au gré des fripons qui voulaient d'elle ce qu'il était bien naturel d'en vouloir, car elle était jolie. Monsieur de Montragout, trompé et offensé par cette innocente autant et plus qu'il l'avait été par Blanche de Gibomex, avait en outre le malheur de le savoir, car Angèle était bien trop candide pour lui rien cacher. Elle lui disait « Monsieur, on m'a dit ceci, on m'a fait ceci, on m'a pris ceci, j'ai vu cela, j'ai senti cela. » Et par son ingénuité, elle faisait souffrir à ce pauvre seigneur des tourments inimaginables. Il les souffrait avec constance. Cependant, il lui arrivait de dire à cette simple créature « Vous êtes une dinde » et de lui donner des soufflets. Ces soufflets lui commencèrent une renommée de cruauté qui ne devait plus s'éteindre. Un moine mendiant, qui passait par les guillettes, tandis que M. de Montragout chassait la bécasse, trouve Mme Angèle qui cousait un jupon de poupée. Ce bon religieux, s'avisant qu'elle était aussi simple que belle, l'emmena sur son âne en lui faisant croire que l'ange Gabriel l'attendait dans un fourré du bois pour lui mettre des jarretières de perles. On croit que le loup la mangea, car on ne la revit onque plus. Après une si funeste expérience, comment la Barbe Bleue se résolut-il à contracter une nouvelle union? C'est ce qu'on ne pouvait comprendre si l'on ne savait le pouvoir d'un bel œil sur un cœur bien né. Cet honnête gentilhomme rencontra dans un château du voisinage où il fréquentait une jeune orpheline de qualité nommée Alix de Pontalsin qui, dépouillée de tous ses biens par un tuteur avide, ne songeait plus qu'à s'enfermer dans un couvent. Des amis officieux s'entremirent pour changer sa résolution et la décider à accepter la main de M. de Montragout. Elle était parfaitement belle. La Barbe Bleue, qui se promettait de goûter entre ses bras un bonheur infini, fut une fois de plus trompé dans ses espérances, et cette fois éprouva un mécompte qui, par l'effet de sa complexion, lui devait être plus sensible encore que tous les déplaisirs qu'il avait souffert en ses précédents mariages. Alix de Pontalsain refusa obstinément de donner une réalité à l'union à laquelle elle avait pourtant consenti. En vain, M. de Montragut la pressait de devenir sa femme. Elle résistait aux prières, aux larmes, aux objurgations, se refusait aux caresses les plus légères de son époux et courait s'enfermer dans le cabinet des princesses infortunées, où elle demeurait seule et farouche des nuits entières. On ne sut jamais la cause d'une résistance si contraire aux lois divines et humaines. On l'attribua à ce que M. de Montragut avait la barbe bleue, mais ce que nous avons dit tout à l'heure de cette barbe rend une telle supposition peu vraisemblable. Au reste, c'est un sujet sur lequel il est difficile de raisonner. Le pauvre mari endurait les souffrances les plus cruelles. Pour les oublier, il chassait avec rage, crevant chiens, chevaux et piqueurs. Mais quand il rentrait harassé, fourbu dans son château, il suffisait de la vue de Mademoiselle de Pontalsain pour réveiller à la fois ses forces et ses tourments. Enfin, n'y pouvant tenir, il demanda à Rome l'annulation d'un mariage qui n'était qu'un leurre, et l'obtint selon le droit canon et moyennant un beau présent au Saint-Père. Si M. de Montragut congédia Mademoiselle de Pontalsain avec les marques de respect qu'on doit à une femme et sans lui casser sa canne sur le dos, c'est qu'il avait l'âme forte, le cœur grand, et qu'il était maître de lui comme des guillettes. Mais il jura que rien de femelle n'entrerait désormais dans ses appartements. Heureux s'il avait jusqu'au bout tenu son serment.